Section 66 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e, section 66. Le tour d'un siècle par Olivier Renaud. Comment déjà ? Mais oui, notre siècle va comparaître au tribunal suprême de l'histoire et son procès commence. Interrogé sévèrement par les uns, doucement par les autres, ou spié avec sévérité, ou célébré laudativement, on discute sa vie et ses actes. L'écrivain-dessinateur Robida vient de faire sa déposition de témoin. Armé d'une plume et d'un crayon, dans un gros volume superbement illustré, le 19e siècle, paru ces jours-ci, lequel contient une jolie suite de portraits du siècle à différentes époques, une série d'états, comme disent les graveurs, où souvent la note d'après nature se devine même dans les époques que Robida n'a pas pu voir, car il a puisé alors dans des souvenirs ou des lettres de contemporains, ce qui pouvait pour lui remplacer le croquis de la chose actuelle et fournir avec le très juste cette grande et importante chose, la couleur locale. Robida fait commencer son 19e siècle avec le bouleversement dont nous célébrerons l'an prochain le centenaire. Il a donc son compte de 100 années et d'ailleurs nous savons tous très bien de quelle agréable et scientifique façon, dans quel formidable choc de peuples rués les uns sur les autres, notre siècle entend finir ses derniers lustres. Il avait commencé de même par l'accès de folie guerrière de la vieille Gaule qui, pendant 25 années, a bousculé l'Europe. La première nouvelle du volume, comment Frédéric Ponto ne devint pas maréchal de France, c'est la vie d'un homme pris dans le grand drame, c'est-à-dire la vie de tous à cette terrible époque. Ce Ponto est une sorte de capitaine Coignet. Il a vécu, et si je voulais être indiscret, je dirais que c'est jusqu'à un certain point l'arrière-grand-père de l'auteur. Les naturalistes n'ont pas le monopole du document. Robida m'a montré ses documents, la fameuse et monumentale pipe du hussard hongrois, le fusil d'honneur de Ponto et même des lettres du vieux brave, dans lesquelles celui-ci raconte avec naïveté l'histoire du pont de Meissenheim, coupé et rétabli par lui trois fois. Trait de caractère que je livre au graphologue, c'est l'abus des majuscules dans ses lettres de soldats. Des majuscules mises à tous les mots qui semblent importants, qui touchent à la patrie, au régiment, à l'armement. Ceci ne donnerait-il pas l'indication d'un état d'âme particulier à cette époque, la faculté très surexcitée de l'enthousiasme, si malheureusement perdue à l'heure sceptique actuelle et remplacée par la rage du dénigrement? La deuxième nouvelle du livre est une nouvelle gaie. C'est l'histoire d'une jeune actrice du temps du romantisme, une confession qui débute ainsi. Qu'on n'accuse personne de ma naissance. Il n'engendrait pas le pessimisme, les faux mélancoliques, les robustes de 1830. Il y a là, autour de Palmyre Chastelu, un trio de poètes et d'artistes assez amusants. Le peintre Petrus Ringard, le poète Marcus Marcassus, l'agrestre et le romancier ivonique Gwendolas, tous joyeusement macabres et se déclarant prêts à se nourrir de fricassés de bourgeois. Le panorama du siècle continue par les mémoires d'une maison, un défilé de tous les types de locataires ou portiers parisiens dans un immeuble bien placé, qui a sa petite barricade à chaque accès de nerfs de Madame Lutèce. Les vieux de la vieille et les zouaves Jean Bernille continue ensuite la série de tableaux militaires. Ces vieux de la vieille, Robida les a connus tous, étant enfants, alors qu'en qualité de saute-ruisseau, il leur portait leur pension. Ce sont encore des portraits. Jean Bernille, c'est le zouave d'Afrique, de Crimée, le zouave de 59, embrassé, fêté, fleuri par la belle Italie. Encore mieux qu'un simple Uhlan bismarckien. Le zouave de 70, des victoires allemandes à 4 contre 1. Le siècle coule. Coule et se transforme. Voici la grande révolution de la vapeur. Robida paraît regretter les diligences. Il nous peint dans la dernière diligence la gaieté, l'animation de la grande route d'autrefois, artère inutile aujourd'hui délaissée, et l'irrémédiable décadence des bruyants villages et des grandes auberges. 50 ans de dandysme, c'est une histoire rapide de la mode, du dandy de la restauration qui chante la romance dans les salons au Köpernick d'à présent, fêtard, électrique, triste et chopinorien. Les tribulations d'un homme de goût qui n'en avait pas, on le devine, c'est le collectionnisme, la grande ressource d'un siècle dont le bilan, hélas, en art décoratif comme en architecture, se réduit à zéro et qui se résout enfin, très sagement, à se retourner vers le passé pour chercher la tradition. Les différentes époques littéraires, du romantisme au décadentisme, ont le reflet dans le café Janisson. Voici les fastes boutiquiers et gardes nationalesques qui vont des Trois Glorieuses aux sanglantes folies de la Commune, des baïonnettes intelligentes amies de l'ordre au Lascar incendiaire de 1871. Et du pessimisme maintenant. Robida pessimiste, par accès dans la tête fêlée, conspue son siècle qui semble, il est vrai, marcher vers une barbarie féroce, mais scientifique et organisée. La nouvelle qui clôt le volume, La Châtelaine de Plouic, est plus gaie. Elle peint d'une façon amusante le mouvement balnéaire, une des vraies bonnes choses actuelles. Ouf ! En le pressant un peu, Robida nous dirait exactement ce qui va se passer dans la douzaine d'années qui nous sépare de 1900. N'a-t-il pas fait, l'an dernier, la guerre au XXe siècle ? En avançant la date, c'est peut-être bien à ça que nous allons employer notre fin de siècle, comme on dit maintenant. Que de choses dans ce panorama du XIXe siècle, fourmillant de types variés, de coins de tableaux, de croquis. Des troupiers du Premier Empire, officiers, grenadiers, cuirassiers, fusillés, hussards, vedettes, généraux, avec la mise en scène tumultueuse des romantiques de 1830, des belles dames à toques empanachées, boucles blondes ou brunes, manches à gigot, des ateliers de modistes ou d'artistes, ou des échappées de coulisses, Longchamp, le boulevard du crime, la fameuse barricade des mémoires d'une maison qui repousse à chaque crise des Saint-Simoniens et des Zouaves, des étudiants et des grisettes, des garibaldiens et des danseuses, des collectionneurs, des aubergistes, des baigneuses. Et chaque type est cherché dans sa physionomie propre, dans l'attitude du temps. Pour les choses qu'il n'a pu voir, Robida, fuyant les interprétations, a cherché le document vrai. Les armes et les équipements, cela se trouve. Pour les figures, pour les modes, les physionomies et les allures, il a croqué aux vitrines des marchands, les vieilles miniatures, les portraits de famille ou de prédature encore. Robida n'est pas une caricaturiste. Il a fait du dessin comique pour commencer. Ses premiers rêves, paraît-il, le poussaient vers le paysage. Né dans le voisinage de Pierrefonds, il a jadis, alors que Pierrefonds était en reconstruction, dessiné et redessiné le merveilleux castel, déchirant son dessin avec désespoir et le recommençant toujours. Ceci expliquerait avec quel amour du Moyen-Âge il a illustré en ces dernières années Rabelais et les Cent Nouvelles, et comment, chaque fois qu'il en a l'occasion, il est heureux de placer ses bonhommes dans un paysage, dans un cadre de vieille ville. C'est un moyen-âgiste convaincu et forcené et un archéologue. J'ai vu des albums remplis de croquis de voyage dans les vieilles villes de France et d'ailleurs, des croquis enlevés avec un amour des vieilles pierres et des bâtisses antiques, une véritable vénération de l'art d'autrefois dans toutes ses manifestations. Que de vieilles façades de maisons, de carrefours, de tournants de rues, que de vieux hôtels, de vieilles tours, de manoirs, de fermes fortifiées. Et quoi ? Il y a encore de tout ça en France ? Mais oui, derrière un décor de boulevard ridicule et monotone, on retrouve encore, en nos bonnes villes, de quoi régaler l'artiste. Mesdames, c'est bien menacé. Ce sont toutes ces croquades qui lui ont permis de placer dans des cadres intéressants le grouillement des personnages de Rabelais, de même que pour les types eux-mêmes. Pour les faire vrais, dans leur grossissement, il a étudié les portraits des peintres et enlumineurs de l'époque. Précédemment, notre auteur-dessinateur avait, dans les inénarrables aventures de Farandoul, laissé déborder sa verve comique. Ce Farandoul était un étonnant bonhomme qui n'a pas dû s'ennuyer dans sa vie, s'il lui est arrivé seulement la 100e partie des aventures épiques que son historien lui attribue. Il y a un proche parent dans le nommé Cabassol, d'un autre gros volume, La Grande Mascarade Parisienne, une espèce de Farandoul boulevardier, héritier d'une fortune de 5 millions léguées par un Scannarelle imaginaire sous condition de le venger et d'appliquer la peine de talion à 77 innocents. Avec le voyage de M. Dumollet, qu'on va mettre au théâtre, nous retombons dans une époque aimée de l'auteur, le temps de la Restauration. De même avec le portefeuille d'un très vieux garçon. Une fantaisie douce et presque mélancolique que cette longue revue des adorés d'un vieux célibataire. Il y a ensuite quelques romans intéressants sans aucune illustration. Un des gros succès de Robida fut son 20e siècle, pendant exact du 19e de cette année. Une suite parut en avance. Ici, la fantaisie de l'auteur pouvait se donner libre carrière et elle n'y a pas fait faute. C'est un déluge d'inventions qui touche à tout, bouleverse tout et transforme notre globe d'un bout à l'autre sans rien laisser de ce que nous connaissons. J'ai dit le globe. Cela ne suffit pas car il y est question, si j'ai bonne mémoire, d'un rapprochement de la Lune par l'électricité pour la colonisation. Il faut préciser la date. Le 20e siècle parut fin 1882. Il y a 6 ans, et déjà fantaisie ou préscience, nombre d'inventions et de prédictions se sont réalisées. N'allons-nous pas avoir la navigation aérienne? Le Krebs et le Renard, les Tissandiers, se préparent à diriger dans l'atmosphère des escadrilles d'aéronefs de guerre ou des convois de ballons transatlantiques. Les applications nouvelles de phonographes sont prévues aussi et il y a dans le volume des vues de Paris avec des tours colossales comme celle de M. Eiffel. En Amérique, un gros brasseur vient, paraît-il, de réaliser une des conceptions de Robida, les compagnies d'alimentation, en établissant sous les rues et les avenues une canalisation qui porte la bière à domicile. Un robinet à tourner, on a son ale mesurée par un compteur. Et même l'une des attractions d'une fantaisiste exposition de barricades promise pour 1950 est déjà sous nos yeux. Suivant l'auteur, le XXe siècle trouvera le moyen de régulariser la révolution et de satisfaire les goûts du peuple ainsi que les ambitions légitimes des politiciens par 3 mois de révolution décennale, les vacances nationales, accompagné d'une brusque montée en grade de tous les fonctionnaires dégommés, remplacés par une nouvelle promotion sortant du conservatoire politique. Voilà le jeu naturel des institutions au XXe siècle. Pour célébrer dignement les vacances décennales, il faut chaque fois trouver des attractions nouvelles. Une fois, c'est la reconstruction en plaqué de la Bastille et sa reprise par le peuple. Ne la voyons-nous pas s'élever, cette Bastille en simili? Qui sait si l'an prochain on ne célébrera pas le fameux centenaire par un assaut et une gentille mise à sac? Il n'est pas jusqu'au sujet, cher à M. Trumont, qui ne soit effleuré. La question juive est résolue à la satisfaction de tous par la reconstitution du royaume de Judée avec M. de Rothschild, roi de Jérusalem. Hélas, s'il n'y avait que cela, mais il y a une foule d'inventions guerrières que nous sommes destinés à voir fonctionner, considérablement aggravées peut-être. En résumé, tantôt moderniste et moderniste en avance, actualiste élégant, mettant parfois dans son humour une pointe de satire acérée, surtout quand il touche aux débutants de politique, tantôt moyenâgiste, dégustateur de vieilles villes, Robida laisse voir dans toute son œuvre un vif sentiment de pittoresque uni à une forte exubérance d'imagination. Il est, pour le quart d'heure, hanté par deux rêves. Faire une féerie pour le Châtelet et illustrer les voyages de Gulliver. Deux féeries parbleu, un Lilliput et un Brodignac de sa fantaisie sur le papier et quelque chose de non moins abracadant sur la scène. Fin de la section 66, lu par Agnès, Hobby, 2024.